Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande pour partie grandir, de l'ouest. Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière il de marcha voir dans choses, la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers. Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert. Direction Ithaque, nous on va mettre 4 jours pour accoster. Et si toutes les histoires racontaient la même histoire? Le désir d'arriver ou de rentrer chez soi? Et si ce qu'on appelle littérature était le récit de ce trajet, des aventures et des obstacles qui séparent celui qui veut arriver ou rentrer et le lieu en question? L'Odyssée ne raconte pas autre chose. Comment Ulysse parvient, au terme de 10 années d'errance sur les flots et d'escales insulaires, à rentrer enfin chez lui. Les chemins de la philosophie, cette semaine, vous en propose le récit. Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. Qui es-tu? Ulysse, fils de Laërte, roi d'Ithaque. Heureux qui, comme Ulysse, avait un beau voyage. Ah, pour les ruses, le plus fort, le plus malin, c'était ton père, petit. Illustre Ulysse. Mais dis-moi, qui es-tu? Je suis ton père. Moi? Personne. Alors deviens d'abord quelqu'un. Toi, tu m'as reconnu. Je suis de retour. Mon chien. Je suis de retour. Arrêtez! Ulysse! Je suis de retour! Cher Ulysse! Arrêtez! N'entends-tu pas crier le cœur de Pénélope? La mélancolie de Carole King pour commencer cette nouvelle année. Bonjour Pierre Judet de Lacombe. Bonjour. Ravi d'inaugurer cette nouvelle saison en votre compagnie. Comme l'an dernier d'ailleurs, je crois, on avait commencé l'année en parlant de l'Iliade de Homère. Cette année, c'est l'Odyssée. Est-ce que l'Odyssée est d'abord l'histoire d'un retour? Exactement, c'est ça. C'est le besoin effréné, frénétique de rentrer chez soi, de mener une vie normale. Après la vie extraordinaire que Ulysse a menée à Troie, puisque c'est lui le grand vainqueur, hein, même plus qu'Achille, enfin, d'après la tradition de l'Odyssée. Donc il était béni des dieux, était l'homme le plus grand, le plus magnifique qu'on puisse imaginer, quoi. Et il veut devenir normal. Et donc comment on revient à ça? Et c'est une errance, c'est ça le paradoxe, c'est que revenir chez soi, c'est toute une histoire. Et même être chez soi, c'est toute une histoire. On n'est jamais vraiment, vraiment chez soi, quoi. Et avec ce récit commence quelque chose de nouveau aussi dans les textes. Alors on ne sait pas vraiment, on peut dater les textes, on ne sait pas si Homère a vraiment existé, c'est tout un débat. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que c'est le premier récit qui propose une sorte d'invention d'un personnage avec une intériorité qui serait Ulysse. Alors, ça c'est vrai, c'est que, donc, mais dans tous les débats homériques, savoir quand, qui a fait l'Iliade, l'Odyssée, les anciens pensaient que c'était le même poète, ou certains pensaient qu'il y en a eu deux, mais que c'est la même fabrication, si on peut dire. Les modernes ont hésité, il y en a qui ont dit, entre l'Iliade et l'Odyssée, il y a un changement d'époque. En fait, non, c'est peut-être l'Odyssée un tout petit peu après, ça, on n'en sait vraiment pas vraiment grand-chose, mais ce sont les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire, l'être humain, ça peut être ou Achille, donc qui est aussi qui a une mission de certaine manière, qui fait la volonté de Zeus, mais qui est un être démesuré, dément, d'une cruauté inouïe. Alors Ulysse aussi est cruel, mais Ulysse est un survivant, alors qu'Achille, il est vite à mourir, comme dit l'Iliade. Ulysse, non, il va vivre longtemps. Bon, peut-être tué par un autre fils, enfin, un fils de Circé, dans une des versions plus tardives. Ah oui, oui. Oui, c'est compliqué, ça. C'est des histoires à rebondissement. Les anciens ajoutaient toujours des épisodes aux épisodes, mais dans l'Odyssée, non. Là, ça finit par une vie normale. Et, comment dire, on a deux types humains différents que l'Iliade oppose déjà. Puisque Achille, c'est l'action, c'est le héros offensif, c'est la force, c'est la lance. Avec le bouclier, mais c'est la lance et l'épée, surtout, c'est l'agression. Tandis que Ulysse, c'est ce qu'on appelle la métisse, c'est-à-dire c'est l'intelligence stratégique qui calcule les moyens en fonction du but à atteindre. Il est polymétisse, il a beaucoup de raisonnements dans la tête, comme Zeus d'ailleurs. Et donc, il est rusé, il sait s'en sortir. Et il s'en sort toujours, c'est ça le point. Donc on a deux héroïsmes complètement opposés. Et donc l'un qui vit le temps, la durée, tandis qu'Achille, qui sait qu'il a très peu de temps à vivre, il s'agit de faire les choses les plus extraordinaires possibles. Il faut préciser, Pierre Judet de Lacombe, qu'après avoir écrit alors un petit ouvrage justement sur être Achille ou Ulysse aux éditions Bayard, sur l'avenir des anciens, oser lire les Grecs et les Latins, et une biographie d'Homère, et oui, chez Gallimard, vous êtes en train de traduire. Alors j'ai Homère, fini là, tout Homère, voilà, ça s'appelle. Alors c'est Hélène Monsacré qui a eu l'idée de rassembler tout ce que l'Antiquité attribue à Homère, enfin tout ce qu'on a. Donc on a l'Iliade, l'Odyssée, il y a des hymnes, il y a des poèmes obscènes que malheureusement on a que quelques bribes. Il y a des tas de légendes, etc. Donc tout ce qu'on a sur Homère, et moi je me suis chargé de l'Iliade. Donc là j'ai dans mon sac les épreuves. Ça y est, vous avez fini? J'ai fini. Enfin bon, ça va, on n'a jamais fini, mais là ça. Et donc vous allez attaquer l'Odyssée? Si les dieux veulent, je sais pas encore, parce que faut entrer dans une autre religion quand même. C'est très différent à traduire. C'est très différent. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la même langue, ce sont les mêmes formules. Donc les briques de composition de la poésie sont les mêmes. C'est pas du tout le même style, c'est pas le même tempo, c'est pas le même rythme, c'est pas le même objet. Mais tout ça dans la même langue, la langue de ce qu'on appelait les aèdes, les chanteurs, qui avaient une langue professionnelle à eux, extrêmement typée. Et qu'on retrouve aussi en partie chez Hésiode et chez les fragments qu'on a d'autres poètes. Mais je veux dire, le but n'est pas du tout le même. Mais c'est pas la même œuvre, ce sont deux œuvres. Parce que ce sont des œuvres, je crois, l'Iliade, l'Odyssée, différentes, en concurrence, d'une certaine manière. L'une est centrée sur Achille, qui est le vrai vainqueur de Troie, puisqu'en tuant Hector, finalement, il a tué la seule défense de Troie. Et dans l'Odyssée, on a une Iliade qui est racontée par un poète qui s'appelle Démodocos. Là, c'est Ulysse qui est... Oui, d'ailleurs, l'épisode du cheval de Troie, on l'apprend dans l'Odyssée. Alors ça, on l'a dans l'Odyssée, et il n'y a pas un mot dans l'Iliade. C'est ça. Alors que le poète de l'Iliade, bon, même si vous pouvez le... Peut-être pas le même groupe, enfin voilà, la même école en tout cas que celle de l'Odyssée, où il le connaissait très bien, mais n'en parle pas. Justement pas. Alors que celui qui a construit le cheval de Troie s'appelle Épéios dans l'Odyssée, et ça veut dire celui qui fait l'épopée aussi, c'est-à-dire ouais. C'est le même mot que épos, l'épopée. Donc c'est comme si le cheval de Troie, comme construction magnifique, bon un peu cruel quand même, donc ça c'est la ruse, c'est la force et la ruse. Tandis que non, Achille, lui, c'est à la lance, ouais, l'épée qui gagne. Alors ouvrons l'Odyssée et commençons à lire ce texte, contre toute attente peut-être. Le texte ne commence pas avec Ulysse, mais avec le récit d'un aède, justement, qui en invoque à une muse qui viendrait lui dicter le contenu du récit qu'il s'apprête à faire. Ô muse, conte-moi l'aventure de l'inventif, celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisses dans son âme, sur la mer, pour défendre sa vie et le retour de ses marins, sans en pouvoir pourtant sauver un seul, quoi qu'il en eût. Par leur propre fureur, ils furent perdus, en effet. Ces enfants qui y touchèrent au troupeau du dieu d'en haut, le soleil qui leur prit leur bonheur du retour. À nous aussi, fille de Zeus, compte un peu ses exploits. Tous les autres, tous ceux du moins qui avaient fui la mort, se retrouvaient chez eux loin de la guerre et de la mer. Lui seul, encore sans retour et sans femme, une royale nymphe, Calypso, le retenait dans son antre profond, brûlant d'en faire son époux. Et, lorsque dans le cercle des années vint le moment où les dieux avaient décidé qu'il rentrerait chez lui en Ithaque, il trouva de nouvelles épreuves jusque parmi les siens, et son sort touchait tous les dieux, hors Poséidon, qui poursuivit sans cesse de sa haine l'égal des dieux, jusqu'à ce qu'il fût au pays. Le roi des hommes et des dieux prit alors la parole. Il pensait dans son âme au noble Égiste que tua le fameux Oreste, fils d'Agamemnon. Tout à ce souvenir, il dit ces paroles ailées. « Hélas ! Voyez comment les mortels vont juger les dieux. C'est de nous que viendraient tous les malheurs, alors qu'eux-mêmes, par leur propre fureur, outrant le sort, se les attirent. » C'est l'homme aux mille tours, muse, qu'il faut me dire. Celui qui tant erra quand de Troade il eut pillé la ville sainte. Silence. Ça veut dire quoi tout ça? Moi j'ai rien compris. Oh, silence. Silence. Bon, enfin quoi, c'est vrai, faut recommencer. puis en l'expliquant. Non, mais vous pensez pas que si la radio raconte l'Odyssée, il vaut mieux que tout le monde comprenne? Mais non, justement. Elle a raison, la dame. Vive Homère. Vive Homère. Oui, mais ben moi aussi, je peux crier Vive Homère. Eh ben oui, crions tous Vive Homère. C'est l'extrait d'une fiction Odyssée 65 qui a été diffusée sur France Inter en 1965, Pierre Jodet de Lacombe. Et la question qui est posée d'ailleurs de manière humoristique vaut la peine d'être posée de manière sérieuse. Hein. Est-ce que raconter l'Odyssée à la radio, quand on entend ce début de texte, c'est aussi prendre le risque de ne rien comprendre? Parce que là, quand on entend ça, on ne sait pas qui est l'Aède, qui est la Muse, qui est Calypso, on est un peu largué. Oui, surtout que Ulysse n'est même pas nommé. C'est ça. Donc l'inventif, comme dit bon, dans cette traduction extraordinaire hein, de Philippe Jacotet, qui est ancienne, mais qui est 55, je crois, mais qui est très très belle, quoi. Et là, donc, il a fait des vrais choix. C'est un vrai texte poétique. Et c'est sûr que, alors, les anciens qui écoutaient ça, d'abord, ils connaissaient l'histoire d'Ulysse par cœur. Ils l'avaient entendu mille fois, pendant des versions différentes. Et quand ils entendaient ce texte-là, ils se disaient, tiens, il fait comme ça. Tiens, c'est bizarre, mais par rapport à un fond connu. Pour nous, on peut avoir vaguement l'idée de l'histoire d'Ulysse. Et je pense que, pour ça que Vive Homère, oui, c'est-à-dire, mais faut le dire de plusieurs manières. Donc, on peut le dire de manière très, très simple, le raconter comme, on peut raconter Homère, on peut raconter Achille et Ulysse en classe maternelle, ça, tout à fait. Et aussi, on peut passer par l'Iliade, qui est l'Odyssée, qui sont des textes d'une précision, d'une beauté inouïe. C'est de la très, très grande poésie. Et il faut être entre les deux. En permanence, je veux dire, toutes les adaptations sont possibles, tout ce qu'on peut faire est bon, avec quand même comme visée ce grand poème, qui, c'est vrai, commence par quelque chose d'étonnant. On nomme pas Ulysse. Ouais. Donc, alors, Ulysse, donc, Philippe Jacotet a traduit par l'inventif. En grec, c'est polutropos, et donc, qui est dur à traduire, parce que polu, c'est beaucoup, tropos, c'est comme tropique, tropine, c'est-à-dire se tourner. C'est un homme qui a beaucoup de détours dans son esprit, mais qui aussi erre beaucoup dans le monde, a beaucoup tourné dans le monde. Et juste après, on a le verbe errer, c'est plankte, et dans plankte, on retrouve polu, de certaine manière. Donc, le texte joue sur l'ambiguïté du mot. Donc, ça, on voit tout de suite que pour Homère, enfin, les gens qui ont composé l'Odyssée, le langage est c'est un mystère, c'est une matière qu'il s'agit qu'on interroge. C'est pas un moyen de communiquer, simplement. C'est là, ça a été déjà dit 20 fois, 1000 fois. Et donc, on se dit, comment je peux mettre une nuance, faire vibrer ça de manière neuve. Et donc, c'est vrai que ce texte qui a frappé les anciens, c'est-à-dire qu'on commence, voilà, on sait pas qui, on commence, et puis il dit un moment à la muse, tu peux commencer où tu veux. C'est pas, ne me dis oui, pas le... Le début importe peu, et d'ailleurs, lorsqu'on ouvre l'Odyssée et qu'on connaît un peu Ulysse, on se dit qu'on va avoir le récit de ses aventures, il faut quand même attendre le chant neuf avant que ça commence. C'est ça, c'est que... Et on ne sait pas qui parle. Non, l'énonciateur n'est pas important, finalement. Alors l'énonciateur, bon, c'est Homère, entre guillemets, mais alors Homère, là, c'était typique de lui, c'est-à-dire que ce soit l'Iliade, l'Odyssée, le reste, d'ailleurs, il ne se nomme jamais. Il dit pas, moi, je viens de là, voilà, j'ai eu tel ami, mes parents, c'est un tel. Non, Homère, c'est quelqu'un qu'on appelle de l'extérieur. On dit un aède, parce qu'Homère n'était pas là, hein, c'était quelqu'un chanté. On dit, chante-nous de l'Homère, chante-nous, mais l'Odyssée, mais d'Homère. Pas, il y en avait d'autres. Il y a des Iliades, il y en a eu plein. Donc, chante-nous celle-là. Et donc, c'est quelqu'un qu'on interpelle, et lui, Homère, il s'efface en disant, oui, d'accord, moi, mais c'est la muse. Ouais, c'est la déesse. C'est-à-dire, tout ce qu'il va dire après les quelques vers du début, qui sont déjà extraordinaires, c'est la muse qui parle. C'est-à-dire que c'est pas l'auteur contemporain, moderne, qui dit je sors du tréfonds de moi, de mon cerveau, de mon génie, tout ce que je vais dire. Non, lui dit, je vous dis rien de nouveau, vous savez, ça a déjà été raconté, la muse va nous le dire encore une fois. Alors que c'est nouveau, ce qu'il va dire. Et ça, pour les Grecs, c'est important que la parole soit autorisée, c'est-à-dire vienne des dieux, parce que aucun être humain n'a été contemporain d'Ulysse maintenant. Donc c'est fini, c'est le passé, donc c'est la guerre, c'est le retour, en plus on n'était pas là. Et alors c'est très intéressant, au début il dit Ulysse qui a connu plein de villes, etc. Donc on s'attend à une carte du monde. Il va nous raconter des pays qui n'ont strictement jamais existé. Ce sont des pays imaginaires et qui donnent comme des images de ce que nous sommes, nous. Si on dit que, comme vous disiez au début, c'est le poème du retour à Ithaque, qui est une petite île rocailleuse, il n'y a même pas la place pour faire des courses de chevaux. Donc, c'est un peu malingre, quoi. Et ben, c'est là ça qu'il veut. Eh bien, il va passer par des lieux qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent dire ces îles, comme Ithaque est une île, qui disent ce que c'est finalement. Sont comme des projections un peu hallucinées, quoi, de ce qu'est la société humaine, avec à chaque fois un trait particulier. Alors Calypso, par exemple, dont il est question. Calypso, c'est bon, le nom est connu maintenant, le monde du silence, mais c'est celle qui cache. C'est la mort, en fait. Elle est à l'extrême ouest et dans une dans un lieu qui est vraiment la zone. C'est-à-dire Hermès doit y aller. Il dit mais il y a rien là, vraiment c'est pour. Et mais c'est un monde parfait avec des sources, quatre sources, avec une nature extraordinaire, des grottes, enfin une chose magnifique. C'est comme une image du monde en petit, mais sortie du monde et c'est là où Ulysse aurait pu être immortel. Et ça, il le refuse. Il veut à tout prix rentrer chez lui, donc il fait l'amour la nuit avec elle, mais le jour, il pleure, il pense à sa femme, il veut rentrer chez lui, et finalement, bon, on lui accorde. Et donc, vous pensez qu'il est amoureux de Calypso? Non, bah, pour les Grecs, la question était un peu, ça, c'est les filles. Bah, elle est folle de lui, en elle, tout cas. Alors voilà, il y a des passions, c'est-à-dire que ce sont des liens de dépendance extrêmement forts. Et lui dit, oui, là j'ai la perfection, avec en plus Calypso, c'est pas Circé, parce que Circé qui est à l'extrême orient, au contraire, a voulu le châtrer d'abord, donc là Calypso pas, mais je veux dire, là il y a aussi une histoire d'amour, donc dans certaines versions ils ont eu des fils, il a eu des fils avec l'une et l'autre. Mais non, c'est pas, lui c'est l'énergie, Ulysse, il ne s'attache qu'à une chose chez lui. Chez lui, c'est-à-dire effectivement sa femme, mais ça on le verra qui est plus rusé que lui d'une certaine manière ça. Donc chez soi n'est pas un lieu où on est sûr de son identité et pour ça bon on utilise beaucoup Homère maintenant alors bon, Ulysse par rapport aux migrants bon mais en fait c'est vrai il migre mais il veut rentrer chez lui et si l'identité c'est bien d'être chez soi etc mais ce que Homère nous apprend chez soi vous savez c'est pas donné donc c'est d'abord il y a des petits jeunes qui sont là qui veulent prendre votre place et puis Pénélope qui est la fidélité même. Eh bien, elle ruse. Donc, on n'est pas quelque part vraiment implanté. Il faut tout est activité. Ça, c'est vraiment le. Il n'y a pas de morale dans Homère, mais c'est cette idée que tout est action, tout est changement, etc. Et ce qui est très pour venir sur ce début, quand Zeus dit, ça c'est extraordinaire. Zeus dit, les hommes nous accusent, nous les dieux. Voilà, ça c'est très important. Hélas, voyez comment les mortels vont juger les dieux. C'est de nous que viendraient tous les malheurs, alors qu'eux-mêmes, par leur propre fureur, outrant le sort, se les attirent. C'est la question de la responsabilité humaine qui est posée là. Absolument. Par Zeus. Alors, parce qu'il a dans ligne de mire le méchant Égiste qui a séduit Clytemnestre, la femme d'Agamemnon, alors que les dieux l'avaient prévenu, tu dois pas faire ça, mais son grand exploit d'Égiste, c'est d'avoir séduit Clytemnestre, c'est-à-dire celle qui est célèbre par la cour qu'on lui fait. Et donc il a gagné et le Orestes va le tuer, il a été prévenu. Alors on dit souvent, oui là c'est la découverte de la responsabilité humaine, c'est nouveau, c'est une nouvelle période, donc période moderne, etc. Alors que dans l'Iliade c'est le destin. Pas du tout, parce que dans Zeus s'amuse. Dans l'Iliade, les personnages, notamment Agamemnon qui a fait cette faute énorme de prendre sa captive à Achille, ça fait la colère d'Achille, Agamemnon dit c'est pas moi le coupable, c'est pas moi, c'est Zeus qui m'a tordu l'esprit. Alors que c'est lui, évidemment, parce que sinon il n'y aurait pas eu tout ça. Et donc déjà dans l'Iliade, il y a la responsabilité, simplement il y a le déni. La Zeus dit, vous savez, ce sont les mortels qui font leur avenir. Alors la grande différence avec l'Iliade, ça c'est ça magnifique, c'est que dans l'Iliade, il y a la colère d'Achille qui fait des choses épouvantables, des morts, etc. Cette guerre ignoble. Et d'ailleurs, le poète l'a maudit. Il dit, je te maudis, toi, colère, que j'ai chanté pendant 24 chants. Et alors, mais ainsi se réalisait la décision de Zeus. Tout ça, c'est Zeus. Dans l'Odyssée, pas. Le Zeus, au lieu que l'Odyssée dise, tout ça est la décision de Zeus, il dit, Zeus dit non, c'est les hommes qui ont fait leur destin. Et d'ailleurs, Zeus ne fait pas le destin d'Ulysse. Non, mais alors c'est ambigu quand même, parce que les dieux interviennent beaucoup. Poséidon veut se venger parce que Ulysse a brûlé l'œil de son fils, Polyphème Cyclope, et donc il veut l'empêcher de rentrer chez lui. Athéna intervient sans arrêt pour venir en aide à Ulysse. Si bien qu'on ne sait pas qui est responsable de ce trajet, alors on peut pas parler de destin, mais de ses aventures. Alors, le destin, c'est quand même que ça c'était prévu, que pour ça que Zeus est d'accord pour qu'Ulysse rentre chez lui. Ulysse doit rentrer chez lui. Il doit être un des survivants, un des très rares survivants de la guerre de Troie. Comme autres survivants, on a Ménélas et Hélène, on a Nestor, que le fils Télémaque va aller voir là au début de l'Odyssée. C'est pour ça, comme vous disiez, ça commence pas par les histoires d'Ulysse. D'un seul coup, ça bifurque, on se demande pourquoi. On va vers son fils. Et donc, Télémaque va voir les vieux. Et c'est des vieux qui vivent... Télémaque, fils d'Ulysse, donc. Hein. Télémaque, fils d'Ulysse. Il va avoir des informations sur son père, il va voir les grands chefs de la guerre, enfin, ceux qui survivent. Et sur conseil d'Athéna. Alors c'est Athéna qui dit, il va voir, justement il va voir la génération d'avant. Et ces gens, ils sont Ils sont un peu out, quoi. Ils sont un peu hors du monde. Ils naviguent dans leurs souvenirs, dans leur histoire. C'est très beau, mais je veux dire, ils n'ont aucune prise sur le monde. La question de Télémaque, jeune génération qui n'a pas pu faire la guerre, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et il faut que le roi soit là, que mon père soit là, pour que le réel soit un peu ordonné dans mon île, enfin dans ma famille. Et donc c'est maintenant. C'est pas du tout qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et L'ancienne génération à qui il s'en réfère, l'accueil à merveille, donc il y a des grands récits de libation, on boit beaucoup, on mange beaucoup, mais finalement ils n'ont aucune réponse à apporter parce qu'ils sont perdus dans leurs souvenirs, c'est ce que vous dites. C'est ça, ils savent pas. Donc Ménélas a eu ses errances, Nestor a eu tous ses conseils, etc., il peut raconter lui. Alors c'est intéressant, Nestor, vous voyez, par rapport au retour, Ulysse, il faut 10 ans. Nestor, il met, je crois, une journée et demie. C'est-à-dire que Nestor, c'est en grec que le retour se dit Nostos, et Nestor, c'est celui qui sait faire le retour. Donc il a tout de suite compris qu'après les scandales de la prise de Troie, qui était un crime contre l'humanité, enfin c'était une guerre d'extermination épouvantable, il fallait fuir tout de suite, parce que les dieux seraient pas contents. Et donc là où Ulysse, lui, doit revenir pour précisément faire le passage, faire qu'on passe de cette génération des héros, celle de la guerre, qui est une race humaine, si on peut dire, ou une époque humaine qui est finie. C'est l'époque des demi-dieux, etc. Et après la guerre de Troie, il n'y a plus de demi-dieux. Les dieux et les déesses ne vont plus coucher avec les mortels. Ça, c'est définitivement fini. Et Ulysse est celui qui fait qu'on peut, il y aura quelque chose qui va se transmettre de cela, qu'on peut passer du monde de Troie, du héros, au monde banal, quotidien, presque prosaïque, d'Ithaque. De l'Ithaque de maintenant, on peut dire, qui est en fait quasiment l'époque des gens qui écoutaient Homère. Et et là où ce qui est extraordinaire, c'est que l'héroïsme ne consiste pas à faire une grande victoire, comme il l'a fait déjà, simplement à revenir. Ça, c'est le point. Alors, pour amorcer et continuer ce voyage en direction d'Ithaque, on arrivera jeudi prochain, on n'y est pas encore arrivé, là on vient de partir. Si on continue la lecture de l'Odyssée, on va arriver dans une terre particulière, c'est au champ 7, c'est la Phéacie, c'est une civilisation extrêmement raffinée, on a l'impression que tout est facile, tout est possible et tout est construit, surtout c'est la terre de l'artificialité. Mais avant de l'entendre, je vous propose d'écouter quelques secondes de Jean Giono qui parle de son plaisir et de son obsession de l'Odyssée. Lorsque j'allais me promener dans la colline, j'y allais à la suite, et je dis bien à la suite, comme traîné par eux, à la suite de souvenirs de mes lectures, de souvenirs littéraires. Je lisais l'Odyssée. Évidemment, il n'y a pas la mer à Manosque, mais il y avait les collines. Et au-delà de ces collines, un horizon suffisamment bleu pour que je puisse imaginer, étant enfant, qu'au-delà de ces collines se trouvait la mer. Lorsque je marchais dans un verger d'olivier, Pan était là, Apollon surgissait des herbes. Nausicaa était cachée dans un chemin en train de remonter son linge des lavoirs. Et Ulysse était peut-être dans ses petits villages posés sur le sommet des collines, en train de manger chez Alkinoos, n'est-ce pas ? Tout ça a été mêlé. Je ne crois pas qu'un jour j'ai pu me promener dans un manosque qui était manosque. C'était un manosque qui était à la fois tout ce qu'on pouvait imaginer. Ulysse atteignait le glorieux palais d'Alkinoos. Le cœur plein de pensées, il s'arrêta devant le seuil de bronze. Un éclat comme du soleil ou de la lune rayonnait sous les hauts plafonds d'Alkinoos, car des parois de bronze s'élevaient des deux côtés, du seuil jusqu'au fond, avec des frises d'émail bleu. Des portes d'or fermaient la robuste maison. Les montants en étaient d'argent, le seuil de bronze, d'argent encore le linteau et l'anneau d'or. D'or et d'argent, deux chiens flanquaient l'entrée, dû au métier habile d'Héphaïstos, et qui veillaient sur le palais d'Alkinoos le généreux, en restant immortel et sans jamais vieillir. Du seuil jusqu'au fond, le long des deux parois, des fauteuils étaient alignés que recouvraient de légers voiles bien tissés, œuvre des femmes. C'est là que s'asseyaient les gouverneurs de Phéacie pour boire et pour manger, ayant de tout en abondance. Sur des socles bien faits se dressaient des figures d'or d'adolescents, tenant en main des torches allumées, illuminant les nuits dans le palais des convives. Des 50 servantes dont dispose Alkinoos, les unes sous la meule écrasent le grain blond, les autres tissent des étoffes ou tournent la quenouille en agitant les mains comme les feuilles des hauts tremblent. Des tissus de bonne trame, l'huile suinte. Autant les Phéaciens excellent entre tous les hommes à mettre des vaisseaux à la mer, autant les femmes excellent à tisser, car Athéna leur a donné l'art des très beaux ouvrages et la noblesse des pensées. Merci à Thibaut de Montalembert qui a prêté sa voix à ce texte cette semaine et qui fait vivre pour vous, chers auditeurs, les mots d'Homère, ici traduit par Philippe Jacotet. L'image que l'on a, Pierre Judet de Lacombe, quand on entend ce texte, c'est celui d'une lumière, de l'or. Combien de fois dans ces quelques vers revient la lumière jaune, celle de l'or, celle de la nuit, celle de la flamme, celle du bronze, celle du soleil, c'est omniprésent. Oui, c'est-à-dire que... Et donc il a... cite le dieu Héphaïstos, Vulcain, c'est-à-dire que tout est artificiel. Donc on a aussi bien le soleil que la lune, le jour que la nuit, dont, ensemble. Donc on a quelque chose de... un univers complètement fermé. D'ailleurs c'est une île, et il est bien dit que... donc ce sont des navigateurs, les Phéaciens, ils peuvent aller assez loin, ça on verra pas jusqu'au bout du monde, pas jusqu'à Troie par exemple, là où il y a le monde réel, là où il y a la vraie guerre. Mais et c'est une île où ils sont pas... ils sont arrogants, ils aiment pas trop les étrangers. Bon, alors c'est vrai qu'ils accueillent Ulysse, ça c'est extraordinaire. Bon, et c'est vrai que là un migrant est vraiment accueilli, on sait pas qui c'est. On sait pas si c'est un dieu, un homme. Bon, avant que Ulysse soit nommé, il sera vraiment accueilli avec et chargé de cadeaux. Un migrant, vous dites, ouais. Alors oui, c'est-à-dire que là il arrive, il sait pas où il est du tout quoi. Donc simplement lui, la différence des migrants, il veut aller chez lui, mais là il est bon, il demande pas l'hospitalité, il demande qu'un bateau, qu'on le transporte chez lui. Parce qu'ils savent le faire, ils ont des bateaux qui vont vite comme la pensée, qui n'ont pas de gouvernail, c'est-à-dire l'esprit peut diriger le bateau. Et donc c'est un monde de la technique et de la nature en même temps. Et c'est un monde marin, donc tous ce sont des gens qui viennent de Poséidon, bon comme les cyclopes, on verra, qui sont l'antithèse, certaine manière là. Poséidon, le dieu de la mer. C'est le Poséidon, le dieu des chevaux, le dieu de la mer, c'est aussi le dieu qui peut ébranler la terre, c'est le dieu du mouvement. Il est très puissant dans l'Odyssée. Hein. Alors il est très très puissant parce que c'est sa colère contre Ulysse qui a aveuglé son fils Polyphème, qui décide du destin d'Ulysse juste même à Ithaque. Et c'est pas Zeus, c'est Poséidon, ça, ouais. En fait. Et là, les Phéaciens, donc c'est cette perfection avec Nausicaa qui est amoureux, si on peut dire, d'Ulysse, et il pourrait l'épouser comme il a épousé Circé et Calypso. Il pourrait rester là, mais il ne veut pas parce que lui, il a qu'une idée, c'est de se défaire de tout ça pour être chez lui, être vraiment dans la chose la plus simple possible, quoi, être chez soi. Et là, on a un monde d'art. Il y a un poète qui donc dans ce palais qui s'appelle Démodocos, qui va réciter en fait l'histoire d'Ulysse. L'histoire d'Ulysse à Troie. Et on peut dire que, d'une certaine manière, ce monde des Phéaciens, c'est la poésie. C'est-à-dire que ça représente ces grands festivals où allaient les Grecs pour écouter de l'Homère et d'autres poètes. Ils allaient dans l'île de Délos, où ils allaient en Asie mineure, sanctuaire de Poséidon. Après, ils allaient à Athènes. Et là, on a un texte un peu plus tardif du XVIe siècle qui dit que quand les Grecs, enfin les Ioniens, donc les Grecs venaient là, ils étaient sans vieillesse et sans mort. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment comme des êtres immortels, comme ces chiens, comme ces, les chiens, ces automates que artificiels. Alors, ces chiens qui sont le contraste absolu avec le brave chien d'Ulysse. C'est ça. C'est difficile de pas penser à Argos, le chien d'Ulysse, oui, qui lui reconnaît. Aussi semble, et quand il le retrouve, est plein de tics sur un tas de fumier. Il a été négligé, il est battu, etc. Mais il a 20 ans de plus. Il reconnaît son maître et il meurt. Instantanément. C'est la mortalité, justement. C'est en fait ce que... Bon, en deux vers. Ce que nous sommes tous, quoi. Je veux dire, tandis que là, on est dans l'éternité. Mmh. Et c'est là qu'il y a la poésie, et la poésie, donc, pouvait créer ça, ces festivals, écouter l'Odyssée, l'Iliade et tous les autres textes. C'est ça, c'est sortir du monde pour être dans cette construction artificielle, très technique, et qui fait qu'on entend les dieux. Par exemple, les Phéaciens, ils pouvaient encore manger avec les dieux, ce que nous, ça nous est interdit. Enfin, nous, le public d'Homère, c'est-à-dire qu'il faut faire des sacrifices, envoyer la fumée en rose, espérer que ça va arriver, etc. On est dans le monde de la médiation. Là, c'est le monde de la technique. Comme par hasard, c'est un monde donc de l'instant, puisque la technique permet tout. Tout est en même temps, tout est là. Dans le jardin d'Alcinous, il y a les fruits, les arbres de toutes les saisons en même temps. Et alors, excusez le machisme grec, c'est un monde féminin. C'est-à-dire que c'est la personne qui dirige, c'est Arete, c'est-à-dire celle que l'on supplie, qui est la femme du roi. Et Athéna dit, Ulysse, c'est à elle que tu dois demander le retour, parce qu'elle donne... elle fait la paix et elle donne ses bienfaits à qui elle veut. Oh, c'est pas très machiste. Enfin, c'est machiste au sens où... Quand... Alors, là où c'est machiste, pardon... Oui, c'est ça, parce que là, c'est plutôt un contre-exemple. Non, là, c'est un éloge, peut-être, mais là où c'est machiste, c'est que ce monde doit disparaître. C'est pas possible, c'est un... ce monde... Et donc... Mais justement, ouais, le statut des phéaciens, qu'est-ce que c'est une sorte d'utopie. C'est une utopie. Une utopie. Ça représente, justement, c'est la poésie. C'est comme si la poésie au Woodstock, là, dont on fête l'anniversaire, devenait un monde permanent, une civilisation. Avec ces donc qui font, c'est pas seulement la technique poétique, c'est la technique des bateaux, la technique de la construction, la technique athlétique, etc. La technique politique aussi, puisqu'elle sait régler les, c'est comme ça, Pichenette, elle sait régler tous les problèmes. Mais c'est précisément ce que nous ne sommes pas. Nous sommes dans la médiation, nous sommes dans le travail, nous sommes dans la déception, nous sommes dans, il y a pas, cette beauté ne vient que par, dans des objets ou bien dans de la poésie, mais elle n'est pas le monde dans lequel on vit. Mmh. Et c'est pour ça qu'il est dit, c'est très intéressant, que les bateaux de ces Phéaciens, bon, on peut dire que c'est la Californie, cet idéal-là, la Phéacie, les bateaux des Phéaciens vont, traversent les mers en un instant, mais uniquement jusqu'à l'île de Bé, c'est-à-dire à côté de la Grèce, là où il y a eu les incendies, et c'est-à-dire à partir du lieu d'où sont partis les Grecs pour aller à Troie, ils ne vont pas plus loin. Le monde réel, le monde des guerres, le monde de la souffrance, le monde géopolitique, ils connaissent pas. Ils savent chanter, parce qu'ils sont inspirés de tout ce qui s'est passé là-bas, mais c'est purement symbolique, c'est de l'ornement, et ça leur donne du plaisir. Sauf à Ulysse, quand il entend sa propre histoire, il pleure, évidemment. D'où, ouais. Bon. Mais donc, c'est un monde que, et finalement, donc, comme ils ont aidé Ulysse, puisqu'ils l'ont transporté chez lui, avec des tas de cadeaux, Poséidon est furieux, Poséidon qui est leur père, qui a fait cette île, qui a fait tout ça, donc est furieux contre eux parce que lui il veut toujours venger Polyphème, et bien il transforme le bateau qu'a porté Ulysse en rocher, et il écrase les Phéaciens sous une montagne. Voilà, alors c'est là où il faut revenir en arrière, parce que le récit de l'Odyssée n'est pas chronologique. Non. Pourquoi Poséidon est-il en colère contre Ulysse? On l'a dit à plusieurs reprises, mais écoutons l'histoire vraiment. Cette fois c'est l'île, non pas des Phéaciens, mais des Cyclopes, une autre civilisation aussi, une sorte d'âge d'or, qui en quelques points ressemble aux Phéaciens, en d'autres s'en distingue, on va y venir dans un instant. Ulysse est fait prisonnier avec son équipage par le Cyclope Polyphème, Ulysse qui est rusé, et ça on nous le rappelle à chaque fois qu'on parle d'Ulysse, c'est Ulysse l'inventif, Ulysse le rusé, etc. Eh bien, va mettre au point un stratagème pour se libérer de Polyphème. Ce stratagème commence par faire boire au Cyclope des litres, des tonnes de vin. Tu l'aimes, mon vin? Ah, j'en suis bien content. Dis-moi ton nom tout de suite. Ton nom, tu es mon hôte. Je veux t'offrir un présent qui te réjouisse. Tu veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope? Le plus connu? C'est personne, mon nom. Oui, mon père et ma mère, puis tous mes compagnons m'appellent ainsi. Personne. Ah, eh bien, je mangerai personne le dernier, après tous tes amis, tous les autres avant toi, promis. Voilà le présent d'un grand prix. D'un grand prix que je te fais. Alors, les pieux, au feu vite, sous la braise. Soulevez. Bien droit. Tenez ferme. Moi, je guide la pointe. Doucement, au-dessus du coin de l'œil, à trois. Un, deux. Alors, ce cri correspond à la perte par le Cyclope de son œil, hein, puisque Ulysse vient de lui enfoncer une torche dans l'unique œil, puisque c'est un Cyclope, et il n'est pas sorti d'affaire, hein, parce qu'il faut encore trouver un autre stratagème pour quitter la grotte sans que le Cyclope ne puisse le toucher. Mais enfin là, c'est cet acte-là qui est une condition de survie pour Ulysse, que Poséidon ne lui pardonne pas, car Polyphème, le Cyclope, est son fils. Et oui, et c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Qu'il ne pardonne pas? Qu'il ne pardonne pas, oui, c'est effectivement, c'est-à-dire que parce que le pauvre cyclope, il est berné, donc il n'a plus la vue, donc il a le toucher, mais il est trop, vous vous souvenez, donc puisque Ulysse aimait ses compagnons et lui sous les moutons, sous un bélier. Oui, pour finalement pouvoir quitter la grotte, il s'accroche en dessous du troupeau de moutons qu'élève Polyphème, donc chacun s'accroche pieds et mains sous le ventre des moutons, et le Polyphème qui n'a plus la vue pour être sûr que l'équipage ne s'en va pas, va toucher les moutons, mais dessus, sur le dos, pas sur le ventre. Bah oui, il fait comme d'habitude, quoi. Donc, puisqu'il fallait que la pierre de la grotte soit poussée. Et ensuite, il est trompé aussi au niveau du sens du toucher, il est trompé au niveau du langage. Puisque, donc, Ulysse dit qu'il s'appelle personne. Alors, personne en grec, c'est outis. Et si on pense, parce qu'avec le jeu des négations, ou, c'est resté en grec moderne, c'est-à-dire ne pas, mais un ne pas d'ordre, par exemple, c'est mais. Et donc, outis devient métis. Et métis, c'est le mot qui veut dire l'intelligence rusée, l'intelligence stratégique. Et Ulysse, il est polu métis, celui qui a beaucoup de métis. Donc, il y a tout un jeu et le texte s'amuse avec ça. Et effectivement, donc là, le cyclope, pour le cyclope, le langage, et c'est une vision simple du langage qui est une vision dominante actuellement, la vision on peut dire dénotative, c'est-à-dire que une chose veut dire un nom veut dire une chose. Donc c'est l'inverse de la poésie, quoi. Alors c'est l'inverse de la poésie qui s'amuse justement le jeu outis métis, ce sont que des mots de grammaire, quoi, des mots qui permettent de faire de la syntaxe, de faire des associations, des assemblages, des phrases complexes qui se nient, qui s'autodétruisent, enfin si on peut dire, c'est ce jeu d'humour avec le langage qui est la poésie. Ça, le cyclope, il en a aucune idée. Et alors c'est vrai, comme vous avez dit, c'est une sorte d'âge d'or. Effectivement, c'est-à-dire, d'abord, c'était les cousins des Phéaciens. Donc, les deux phases, si on peut dire, de Poséidon, qui est le dieu de la mer, du mouvement, etc. Donc, ou bien ça donne les gens hyper civilisés des Phéaciens, ou bien cette civilisation, il y a des grottes, ils font du fromage, ils ont un peu de vin, mais c'est pas le bon vin que Ulysse lui apporte et donc qui le saoule là. Donc parce que c'est trop bon, et donc il n'y a pas la ruse, il n'y a pas la distance, il n'y a pas la distance réflexive, et ce sont des gens qui vivent, c'est une société, mais ils ne communiquent pas, ils n'ont aucune loi, donc c'est chacun pour soi. Alors c'est intéressant, quand on voit Phéacien, l'âge d'or, comme ça, vraiment plein, avec la richesse, l'or, et l'artifice, la nature en même temps. Et aucune loi non plus, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont arrêté, donc là, cette femme qui fait régner l'ordre simplement par ses désirs. Et c'est effectivement pas le monde politique. Alors c'est un rapport avec la poésie qui n'est pas politique non plus. La poésie, elle ne reconnaît pas les rois nécessairement. La poésie, elle est autoréglée, elle est souveraine dans son propre domaine. Et là, c'est donc ils n'ont pas de loi, et donc ils se communiquent, ils se parlent, mais ils comprennent pas. Enfin, il n'y a pas de société, disons, vécue. Et alors, c'est très intéressant parce que la philosophie a repris ces deux idées. Ou bien l'humanité, au départ, ce sont les cyclopes. Ça, on a ça chez Platon, mais après chez les atomistes, c'est-à-dire qu'on vit de presque rien, on satisfait ses besoins dans la montagne, donc dans des grottes, etc. Et donc toutes les idées de la paléontologie là viennent de là, de certaine manière, c'est du mythe tout ça. Et donc on descend ensuite dans les plaines et on va se civiliser. Ou bien, au contraire, au début, on dit que l'humanité était pleine, heureuse, près des dieux, etc. Et que finalement, elle va perdre ça. Donc et la technique sera comme un moyen de retrouver quelque chose de ce paradis perdu. Vous avez deux idées. Le raffinement ou la déchéance. Voilà, c'est un mouvement inverse. C'est raffinement et ensuite on décroît, ou bien on n'a rien quasiment, comme les cyclopes, et petit à petit on se civilise. Et ça, c'est intéressant que les philosophies de l'histoire, ont posé ces deux modèles. Ça correspond à des métaphysiques différentes, etc. Alors, la poésie n'est pas du tout métaphysique, c'est pas le point. Homère, ce qu'il fait, il juxtapose des modèles différents, et ensuite, pour comprendre Ithaque, on voit que Ithaque, c'est les deux, puisque à Ithaque, il y a des poètes, on va faire un peu technique, enfin, moins bien que les Phéaciens, on va naviguer moins vite, etc., mais on a ça comme idéal. Mais aussi, à Ithaque, il y a les prétendants, qui sont voraces, qui boivent du vin, qui mangent énormément, et donc, qui sont comme les cyclopes. C'est-à-dire que la cité d'Ithaque, la cité normale, est prise entre ces deux modèles. Et donc, on voit bien les deux îles, là, opposées, mais proches par la généalogie, ce sont comme des images exagérées de ce qu'est la vie normale, la vie sociale. Et donc, la question que pose l'Odyssée, c'est bon, qu'est-ce que la vie normale? Qu'est-ce que la vie politique? Comment est-ce possible, avec le problème de génération, le problème de ce rapport au passé des héros, etc., de quel type de, donc, qu'est-ce qu'une société? Et le voyage d'Ulysse, ces errances involontaires, le font passer par des idées possibles qui sont des îles. Sauf les lotophages. L'autophage, faut dire, c'est la drogue. Alors, on dit que c'est le gerba parce que là, il y a le hashish. Bon, ça, j'en sais rien. Mais je veux dire, là, quand on est, là, il n'y a pas de forme. L'autophage, on ne sait pas ce que c'est quand on leur sert, on sert à l'équipage de, du lotos. On ne sait pas lotus, bien ce que c'est du lotus, mais on ne sait pas. Une sorte vraiment de drogue qui leur fait perdre la mémoire. Voilà. Ils n'ont plus aucune envie de rentrer chez eux. Donc, ils sont béats, comme ça, dans l'éternel présent. Donc, Ulysse doit les forcer à rentrer. Donc, ce pays n'a pas de forme. Mais tous les autres pays, ce sont des choses closes, ou bien des îles dans lesquelles peut y avoir des ports. Ce sont des totalités. Et or, Ithaque, c'est pas une totalité. Ithaque, on quitte, on doit partir, Ulysse va devoir repartir, ils ont fait l'alliance avec les îles à côté, puis avec Agamemnon, on peut faire la guerre de Troie, etc. On vit dans un monde interconnecté, on n'est pas une totalité. Et l'image, si on peut dire, la plus pure de ce qu'est une totalité, de ce qu'est l'échec d'une totalité, c'est l'île d'Éole. L'île d'Éole, qui est une île flottante, alors, pour la situer, c'est pas facile, bon, peut-être les îles éoliennes, qui est une île fermée où les fils et les filles d'Éole couchent ensemble. Enfin, donc c'est l'endogamie, c'est le bonheur parfait, si on peut dire. Et là, Ulysse, alors c'est un lieu poétique, Ulysse chante les histoires, il chante les bateaux qui sont allés à Troie, il chante le retour des Achéens. On se demande comment il le connaît, etc. Il chante Troie. Et alors, ce que Éole, c'est donc cette île fermée, et qu'est-ce qui va donner à Ulysse? Une outre dans laquelle il y a les vents. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de cette outre fermée qui est une perfection? Les mauvais vents, non? Tous les vents? Tous les vents, tous les vents sont là. Y donc compris ceux qui provoquent les tempêtes. Alors, oui, c'est-à-dire, et tous les vents contraires. Donc, le nord, le sud, enfin, toute la déchirure du monde est enfermée dans une île, dans une outre parfaite comme l'île d'Éole. Eh ben, les compagnons d'Ulysse vont dire, c'est quoi ça? Il y a forcément de l'or dedans. Parce qu'on peut pas partager cette totalité, la totalité des vents qui vont partout. Et dès qu'on l'ouvre, effectivement, c'est la dispersion. Et donc, on voit que cette idée de vouloir clore les choses, fermer, bon, comme fera, d'une certaine manière, la philosophie, par avance, Homère dit, non, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est apprendre à vivre dans ces relations toujours mouvantes. Mais ce qu'il y a de fou dans ce récit, et ça, on l'esquisse depuis le début de notre discussion, Pierre-Judé de Lacombe, c'est qu'en fait, l'Odyssée, c'est vraiment, vous insistez sur le fait que c'est la nécessité du retour à la vie normale. Mais c'est exactement ça, c'est en fait ce qui se passe après le film. C'est ce qu'on a laissé, ce que normalement le montage enlève en fait. C'est une fois que le récit est bien ficelé, qu'il y a une vraie fin, etc., bah, à quoi ressemble la vie qui continue? Bah, c'est ça l'Odyssée. Le tour de force, c'est que de transformer en acte héroïque ce passage de l'héroïsme pur qui est celui d'Achille et de l'Ulysse de l'Iliade, etc., et de l'Ulysse avec son cheval qui a pris Troie. Donc là, c'est une action fermée, c'est-à-dire c'est un destin clos, et c'est les existences humaines qui sont prises dans des déchirements pas possibles, dans le non-sens, dans l'opacité, dans tout ce qui fait qu'on comprend rien. Et on voit dans l'Iliade, même les dieux, à part Zeus, n'arrêtent pas de ne rien comprendre. Donc ils ont pas le film, de certaine manière. Il y a que Zeus qui est le poète, évidemment. Le non-sens se clôt. Non pas de manière philosophique, encore une fois. C'est pas comme si il y avait une thèse. Hésiode, on va dire, oui, Troie doit tomber parce que Paris, c'est coupable. Donc là, c'est la justice de Zeus. Il y aura jamais ça dans l'Iliade. Donc, certains vont dire ça. Mais il n'y a pas une thèse sur ce qu'est le monde, le réel. Ce sont des expériences des individus, toujours les unes contre les autres, les unes avec les autres, etc. Mais ça a une forme. Et l'Odyssée, c'est ce tour de force, dire, après coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, ça reste héroïque. Et c'est héroïque là, parce qu'il faut survivre. Alors, c'est l'héroïsme de la survie. Et Ulysse est prêt à tout perdre pour survivre. Alors, c'est vrai, il perd tout. Il perd sa flotte. Après, il perd tous ses compagnons. Ses compagnons qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé des viandes taboues qu'ils ne devaient pas manger. Les viandes du soleil. Mais ils mouraient de faim. Donc, on comprend très bien que là, il y a des vaches. On leur a dit, il faut pas les prendre. Elles appartiennent au soleil, au dieu soleil. Donc, il va tout voir parce que le soleil voit tout. Si vous le mangez, ça va être horrible. Effectivement, les viandes se mettent à crier, etc. Et ensuite, ils vont mourir. Mais eux, ils ont assouvi un besoin absolument nécessaire. Et Ulysse, il est prêt même à renoncer au besoin pour... Mais comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est son obstination, sa ruse ou son bon sens qui conduit à Ithaque? Alors c'est un peu tout ça. Il y a du sens commun chez Ulysse, mais justement c'est que ce sens commun devient quelque chose d'héroïque puisque c'est la conception que nous ne sommes que force, énergie. On n'est rien. On n'a pas d'identité, d'intériorité. Intériorité, on a parce que ça, alors qu'on va chercher, qu'on va interroger, donc il s'adresse à son cœur, etc. Bon, plus que dans l'Iliade où là les héros aussi, les dieux même se demandent ce qu'ils doivent faire, donc ils ont une intériorité, les dieux et les héros de l'Iliade. Là, c'est comme il n'a plus rien, le monde est contre lui. que, comme dit un grec, l'esprit que l'on a, il est à l'image du jour que Zeus envoie, donc ou bien il pleut ou il pleut pas, ou il fait 5 jours de bonheur ou un jour de malheur. Donc face à ça, on se demande toujours, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Donc il faut, c'est précisément parce qu'on dépend entièrement des choses, on dépend des dieux, et les dieux, c'est le monde, quoi. On se dit, mais et moi, face à ça, comment je vais réagir, comment je vais choisir la chose qui sera la plus adaptée, qui va me permettre de m'en sortir. Et c'est vraiment la logique de la pure survie. C'est-à-dire, c'est... Oui, mais il aurait survécu s'il était resté chez Calypso. Alors, oui, mais dans ce cas-là, c'est la vie morte. C'est-à-dire que... C'est la vie en mouvement, c'est ça que vous dites. C'est la vie, on n'est que mouvement. Alors après, les philosophes, notamment les sophistes, puis les atomistes, vont reprendre ça. Nous ne sommes que des atomes, c'est-à-dire des énergies de mouvement. C'est-à-dire que nous sommes ça, avec les besoins, tout ce qu'on veut, et les désirs. Alors Platon va dire, attention, nous, on est quand même une substance. Bon, voilà, une grande discussion philosophique. Alors ça, c'est pas du tout le problème d'Homère. Mais on n'est que ce fil du temps qu'il faut tirer jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il va pas rester à Ithaque, alors? Alors, il va y mourir. Alors, il va pas rester, il doit quitter Ithaque, c'est ce que le devin Tirésias dans les Enfers lui dit, tu rentres chez toi, tu règles tes problèmes, après tu t'en vas, et tu vas dans un lieu où les gens n'ont aucune idée de ce qu'est la mer, et ils vont prendre la rame que tu as sur l'épaule pour une pelle à grain, parce qu'ils connaissent pas la mer. Ça, c'était une défunte possible de l'Odyssée. Voilà. Et tu vas rentrer chez toi, alors après, il y a une phrase dure à comprendre, ou bien tu vas mourir loin de la mer, ou plutôt tu vas mourir à partir, c'est la mer qui est quand même le temps, qui est toute la différence, et la destruction qui va t'apporter la mort. Alors après, il y a les gens après se sont amusés. On peut continuer. Donc il y a un poète qui a écrit une télégonie où l'enfant Télégonos, l'enfant de Circé et d'Ulysse, revient. Il cherche son père, il le reconnaît pas, il le tue. Bon, et alors après, donc avec Pénélope et le corps d'Ulysse, c'est Télémaque qui va chez Circé. Alors et du coup, il épouse Pénélope et bon, et Télémaque épouse Circé. Vous voyez, donc là, ça veut dire qu'on peut s'amuser à l'infini. On peut, c'est un jeu. Bah oui, si vivre, c'est être en mouvement. Alors le retour à Ithaque n'est qu'une étape. Alors c'est qu'une étape. Alors en plus, à Ithaque, c'est pour ça que la moitié de l'Odyssée, ça se passe à Ithaque. Les aventures d'Ulysse, c'est une petite partie de certaine manière. Et le Aïta qui doit reconquérir. Alors là, c'est extraordinaire parce que donc il est face à un monde normal avec des jeunes qui n'ont pas connu la guerre et qui veulent épouser Pénélope, avoir mangé tous les bœufs, les chèvres, boire tout, etc. Donc piller son palais. Ils sont pas très productifs quand même. Et donc Télémaque ne peut rien faire. Pénélope non plus. Elle ruse. Vous vous souvenez cette tapisserie qu'elle fait toutes les nuits. Parce qu'elle dit qu'elle prendra un nouveau mari, pensant qu'Ulysse est mort, le jour où elle aura fini de tisser. Voilà. La tapisserie, elle tisse cette tapisserie. Et le jour et la nuit, elle défait ce qu'elle a tissé. Ce qui est intéressant, la tapisserie, c'est toujours une métaphore du poème. Bon, donc le poème se fait, se défait. C'est pour ça que ça n'arrête pas de recommencer. Tout ça, c'est pas l'œuvre moderne, le roman clos comme ça qu'on a connu dans l'époque moderne. C'est une chose qui se refait en permanence, même si c'est une œuvre bien définie. Et donc Ulysse, il va mentir. Donc c'est extraordinaire en racontant des histoires cette fois qui seront vraisemblables. C'est ça. Je suis crétois, j'ai fait ceci, ah, j'ai rencontré Ulysse. Parce qu'il ne veut pas dévoiler son identité en revenant à Ithaque. Ah non, parce qu'il se fait passer pour d'autres. Parce qu'il est plus faible. Si les autres, ces petits jeunes là, ils sont costauds, donc les prétendants, donc il peut pas, il gagnerait pas. Alors lui, mais il connaît qu'une chose, lui, c'est la survie. Là, et pour survivre, faut tuer. Et donc il tue les prétendants et après il s'apprête à tuer les. Ce qui est une violence dingue d'ailleurs. Hein. On en parlera beaucoup jeudi prochain, mais quand même en disant. C'est inouï. C'est une énorme cruauté. Donc, c'est un bain de sang. Et ça, bon, ça, c'est ce qu'il a fait à Troie. Il sait faire que ça. Donc, effectivement, c'est son héroïsme. Et alors, c'est pas Russe qui tue, hein, parce qu'il tue pas avec une armure comme un grand guerrier. Il tue toujours en mendiant avec son arc, qui est l'instrument du. On tire de loin. Donc, c'est la ruse. On est caché quand on tire avec un arc. C'est pas la lance et l'épée. Comme Achille. Et donc, les servantes qui couchaient avec les prétendants, donc, là, ça me rappelle l'épuration, sont renvoyées. Sont tuées, donc, de manière épouvantable. Enfin, et là, le texte n'est pas, comment dire, n'est pas moraliste. Il dit, regardez à quel point c'est affreux. Tout ce bain de sang, etc., qu'il faut nettoyer parce que, c'est pas une prise de position, c'est ni un éloge de la violence, ni une condamnation, dire c'est comme ça. Quand la force, donc même la force de survie la plus légitime arrive face aux forces du monde, eh bien donc on est en conflit. Alors pour arrêter le conflit, à la fin, c'est Zeus qui envoie la foudre parce que Zeus, Achille avec son père, là c'est la lignée reconstituée, le père et le fils, Laërte et Télémaque, s'apprêtent à massacrer les pères des prétendants, c'est-à-dire les gens de son époque à lui. Et là Zeus s'arrête. Et effectivement, c'est la fin de l'Odyssée. Alors, on sait simplement qu'il va régner comme un roi heureux avec ses troupeaux, avec sa famille, c'est tout. Mais je veux dire, l'Odyssée ne s'intéresse pas à ce que c'est que la bonne vie, la vie juste, prospère, etc. Et précisément, tout ce que vous dites sur le statut de ce texte laisse penser qu'il serait impossible aujourd'hui de proposer un récit de même nature. Parce qu'aujourd'hui, il y a un auteur au texte, les normes sont beaucoup plus figées, en tout cas, et il n'y a plus de dieu qui vienne décider pour nous. En fait, l'absence de morale que vous décrivez, qui est présente dans ce texte, où le narrateur ou les narrateurs, disent « c'est ainsi » sans prendre parti, est-ce que ce serait possible, est-ce que c'est transposable au type de récit qu'est le récit moderne aujourd'hui ? Alors, c'est très dur, parce que le récit moderne est de plus en plus éclaté, donc on n'a plus début, milieu, fin, bon, ça, beaucoup de romanciers renoncent à ça, mais on peut dire que le récit moderne reste sentimental, pour reprendre un vieux concept. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui même pose le désordre, la fragmentation, c'est quelqu'un, et on entend toujours la voix de quelqu'un. Dans Homère, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a cette fragmentation infinie, et c'est vrai que c'est extraordinaire, une comparaison à un objet, chaque objet est magnifique, c'est-à-dire c'est comme une perle, c'est comme une fleur qui éclot, c'est discontinu, c'est très très, pour ça que c'est passionnant à traduire et pas facile, parce que quand on traduit, on met de la linéarité, alors que ce sont des petites éruptions qui sont de beauté, bon, d'horreur, mais qui sont, même l'horreur est belle, si on peut dire. Enfin, bon. Mais, je veux dire, il y a les dieux derrière. On sait que c'est pas l'auteur qui fait le monde qu'on raconte. Les dieux ont fait ça. En plus, c'est un monde qui a eu lieu. Chante, muse, etc. Dis-moi la muse, dis-moi une chose qui a eu lieu. Donc la muse est la garante de l'unité de tout ça. Mais l'auteur, du coup, n'a pas besoin de s'affirmer. C'est Hésiode qui va commencer en disant « Moi, Hésiode, je connais la vérité, je vous l'ai dit. » Ça, Homère, c'est l'inverse. Nous, on a une voix ici qui termine l'émission. Aujourd'hui, c'est celle d'Arthur H. Barbarella, ma belle Calypso. Je suis ton nulliste, ton clandestin dans le cargo. Je m'engouffre dans ton gouffre. Je relâche et je détache ma ceinture de sécurité. Oh, ma baby, she loves me. She's my queen, c'est mon ami. Et si jolie, je l'adore à la folie. Oh bébé, bébé, love you so. Pour la suite des aventures d'Ulysse, rendez-vous demain, mercredi et jeudi. Mercredi, justement, on parlera notamment de Calypso, hein, Ulysse et les femmes, tout un récit à part entière. On en parlera avec Suzanne Saïd, ce sera donc mercredi prochain. On se retrouve demain 10h pour la suite des aventures. Un grand merci Pierre Judet de Lacombe d'être venu nous donner envie de lire ce texte ce matin. Et puis bon courage pour la traduction. Là, vous avez fini l'Iliade, j'espère que l'Odyssée est la prochaine étape. Ben, si les dieux veulent, oui. Bon, en tout cas, nous, on le veut bien ici. Au chemin, on n'est pas les dieux, mais bon, on a quand même une voix. I love for me. Oh baby, baby, love you so. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même, incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce lundi matin et pour pareil. Une nouvelle saison de Journal de la Philo. Avec quoi commencez-vous l'année ? Eh bien justement avec la rentrée, alors voilà, on y est. Prendre des résolutions, se projeter ou au contraire nier jusqu'au dernier moment que c'est la fin des vacances, chacun a sa méthode. Alors pour ma part, j'ai toujours aimé revenir quelques jours avant la rentrée pour me préparer à rentrer justement. Comme si la rentrée ne se faisait jamais en une seule fois, mais devait s'étirer, en être extrait chaque instant et devenir ainsi une sorte d'événement, un nouveau départ. Et à raison, car au fond, quand on rentre, on ne fait que répéter ce que l'on a fait les années d'avant et ce que l'on va faire chaque jour de l'année à venir. Il n'y a rien d'exceptionnel dans une rentrée, alors autant en faire un événement, enfin quand on y arrive. La même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits, deux fois trop grands, t'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs, mais ça continue encore et encore. D'accord, d'accord. En rentrant, j'ai beaucoup pensé à cette chanson de Francis Cabrel, encore et encore. Et puis j'ai aussi pas mal pensé à Kierkegaard et à son texte La Répétition, aussi traduit par le titre La Reprise. Je me suis dit que le philosophe pourrait m'aider à comprendre pourquoi la rentrée avait longtemps provoqué en moi, et malgré son caractère répétitif, un sentiment de nouveauté. Et pourquoi désormais, malgré le fait d'être un nouveau commencement, une reprise, la rentrée pouvait aussi provoquer un sentiment de lassitude, si bien exprimé par Francis Cabrel, et oui. La reprise, dit Kierkegaard, est un vêtement inusable, assoupli et fait au corps. Il ne gêne ni ne flotte. La reprise n'a rien du vêtement flambant neuf, raide et trop ajusté, ou du vêtement rebut qui ne va plus parce que l'on a grandi et qu'il est devenu trop petit. Eh bien non, la reprise, c'est entre les deux. Ni la jeune fille qui glisse entre les mains, ni la vieille femme décevante. C'est, je cite, l'épouse aimée dont on ne se lasse jamais. Mais que faire quand on se lasse justement? Quand la vie n'est plus faite à son corps, comment retrouver ce sentiment de nouveauté de la rentrée? Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Gannat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit, rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Voilà, ça a débuté comme ça. Céline commence son voyage au bout de la nuit comme ça. Puisque la rentrée peut perdre son sentiment de nouveauté, autant se demander ce que ça veut dire de commencer, de débuter, d'entrer dans une nouvelle ère ou dans une autre histoire. Et souvent, ça commence comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que les débuts existent vraiment? Comment faire pour commencer à nouveau? Qu'est-ce qu'un bon début, un vrai début, dans un roman comme dans la vie? Est-ce que les commencements sont d'ailleurs toujours source ou synonyme de nouveauté? Les débuts sont-ils des naissances ou d'éternels recommencements? Apparemment, je ne suis pas la seule à me poser ces questions. Récidive, recommencer, rupture ou débuter, commencer, ce sont autant de titres d'essais parus récemment qui sont tous liés par cette interrogation du refaire à nouveau. Que fait-on quand on fait et refait? Est-ce que l'on fait quelque chose de neuf ou est-ce que l'on se répète mais autrement? Marie Tournelle, c'est la plus belle, écoutez-la chanter le soir. Le vent l'emporte jusqu'à la porte, auprès de toi j'irai m'asseoir. La lune blanche vers toi se penche et met du ciel dans tes cheveux. Mon cœur soupire, tout semble dire, c'est toi que j'aime et que je veux. Dans la douceur du soir, entends Marie Tournelle. À la fin de la reprise, Kierkegaard vante les mérites du corps de postillon, car dit-il, cet instrument offre d'infinies possibilités. Alors on peut penser au corps de postillon, mais on peut aussi aimer Tino Rossi et une bonne vieille ritournelle. Car on se trompe, ce qui compte ce n'est pas la nouveauté, mais la répétition, qui offre donc d'infinies possibilités. La répétition n'est pas lassante, nous dit Kierkegaard, c'est la nouveauté qu'il est. Voilà ce que j'ai donc appris en lisant son texte La Reprise. Ce n'est pas le fait de rentrer qui lasse, de reprendre ses habitudes, son quotidien, ses trajets, mais de les avoir délaissés pendant quelques semaines, d'avoir cassé le rythme et d'avoir espéré du neuf. À croire qu'il faudrait renoncer aux vacances et rentrer tous les jours. Eh bien, quelle chance, c'est ce qui nous attend pour les 10 prochains mois. On rediscutera de la fréquence des vacances, Géraldine. En tout cas, merci pour ces bons conseils de rentrée, qui décidément, une rentrée qui sera sous le signe de la nouveauté dans la répétition, n'est-ce pas? Oui, bah alors je conseille ce texte classique, ouais. De Kierkegaard, La Reprise. Mais magnifique, classique, magnifique. Hein. Classique, magnifique, vous en avez lu, à lire. Donc La Reprise, aussi traduit La Répétition. Moi, j'ai l'édition GF, traduction et présentation par Nelly Vialanet. Et je le recommande évidemment chaudement pour cette rentrée. Bah, merci Géraldine, on peut réécouter votre chronique en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie que je suis ravie de retrouver en cette rentrée qui a été légèrement modifiée pendant les vacances. Alors, Isis Jourda, vous la connaissez, Géraldine Mosna-Savoie aussi. Nous accueillons Manon de la Selle et Jules Barbier qui sont avec nous pour cette saison. Anaïs Isbert, vous êtes habituée. Nicolas Berger, toujours fidèle derrière la vitre à la réalisation. Aujourd'hui à la prise de son, c'était Alice Seyed. La voix des Chemins de la Philosophie cette semaine pour l'Odyssée, c'est celle de Thibaut de Montalembert qu'on est ravis d'accueillir à nouveau. On se retrouve demain donc pour la suite de cette série sur l'Odyssée. Demain, on sera en compagnie de Pierre Bergougnou pour parler d'Ulysse, le raisonnable. On essaiera d'affiner les esquisses de définition que nous vous avons proposées aujourd'hui en compagnie de Pierre Judet de Lacombe. On se demandera si Ulysse a une identité ou non et on continuera le voyage. Je ne l'ai pas annoncé à Pierre Judet de Lacombe puisque vous êtes encore avec nous en studio. Votre livre, par exemple, Être Achille ou Ulysse, qu'on trouve aux éditions Bayard, qui est une bonne façon de comparer les deux textes. Et puis nous, on lit l'Odyssée de cette semaine dans la traduction de Philippe Jacotet. Il y en a d'autres, mais celle-ci, On l'aime beaucoup. Permettez-moi aussi d'annoncer le livre de Sylvain Tesson, Un été avec Homer, qui est une bonne manière de se familiariser avec le texte de cet auteur ou de ses auteurs.